On pensa, dit le témoin, que Tapner avait été tué raide par la rupture de la moelle épinière. Il était tombé de 4 pieds de haut et de tout son poids, et c'était un homme de haute taille. Et le témoin ajoute, ce soulagement des cœurs oppressés ne dura pas 2 minutes. Tout à coup, l'homme, pas encore cadavre et déjà spectre, a remué. Les jambes se sont élevées et abaissées, l'une après l'autre, comme si elles essayaient de monter des marches dans le vide. Ce que l'entrevoyait de la face est devenu horrible. Les mains, presque déliées, s'éloignaient et se rapprochaient, comme pour demander assistance, dit le témoin. Le lien d'écoute s'était rompu à la secousse de la chute. Dans ses convulsions, la corde s'est mise à osciller. Les coudes du misérable ont heurté le bord de la trappe. Les mains s'y sont cramponnées. Le genou droit s'y est appuyé. Le corps s'est soulevé et le pendu s'est penché vers la foule. Il est retombé, puis a recommencé. « Deux fois, » dit le témoin. La seconde fois, il s'est dressé à un pied de hauteur. La corde a été un moment lâche. Puis, il a relevé son bonnet et la foule a vu ce visage. Cela a duré trop, à ce qu'il paraît. Il a fallu finir. Le bourreau qui était descendu est remonté et a fait, je cite toujours le témoin oculaire, lâcher prise au patient. La corde avait dévié. Elle était sous le menton. Le bourreau l'a remise sous l'oreille. Après quoi, il a pressé sur les deux épaules. Le bourreau et le spectre ont lutté un moment. Le bourreau a vaincu. Puis cet infortuné, condamné lui-même, s'est précipité dans le trou où pendait Tapner, lui a étreint les deux genoux et s'est suspendu à ses pieds. La corde s'est balancée un moment, portant le patient et le bourreau, le crime et la loi. Enfin, le bourreau a lui-même lâché prise. C'était fait. L'homme était mort.